Bon, maintenant cet audio va se focaliser par rapport aux talibans et aux mensonges qu'on dit sur eux depuis des années et des années. Déjà, faut savoir une chose importante. Attention mec, hein, c'est l'improvisation, ça rigole pas. Tous mes audios, c'est l'improvisation, mon pote, attention. Non, sérieux, faut savoir une chose importante. Les talibans, ça, c'est quoi? Tout a été orchestré médiatiquement pour que les gens, aussi bien de confession musulmane et non musulmane, soient dégoûtés des talibans. Et ça, bien sûr, ça arrange tout l'impérialisme américain et sioniste. Faut savoir une chose. Les talibans, contrairement à ce que les médias occidentaux et malheureusement, voire des fois les médias arabes essaient de nous faire croire, ne sont pas des gens mauvais ou des gens barbares. C'était des gens qui ont compris tout simplement l'islam. Maintenant, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là, les talibans, nanana, les extrémistes, nanana. Non, chut, écoute, tu vas comprendre. Les talibans, faut savoir, pendant la guerre qui opposait l'ex-URSS contre l'Afghanistan, il y a eu des fatwas qui coulaient à gogo par rapport au fait qu'il y avait un djihad légal en Afghanistan. On avait les savants saoudiens qui proclamaient des fatwas, hein, parce que c'était la Russie, hein, la Russie qui était le pire ennemi des Américains à ce moment-là, et qui l'est encore, mais bon, on le cache quand même. Et bref, il y a eu l'ex-président égyptien Sadat qui avait fait libérer plus de 2000 prisonniers dits islamistes, entre guillemets, pour aller combattre. Il y avait des musulmans qui venaient de partout. Le Cheikh Abdallah Azam, qu'Allah lui fasse miséricorde, allait un peu partout dans le monde pour appeler au djihad pour venir avec. Et qui est mort en 89 à Peshawar. Bref, c'était une émergence. Les gens venaient de partout pour aller combattre en Afghanistan contre les Russes. D'accord, donc il y avait des Arabes, des Saoudiens, des milices arabes, etc. Il y avait les Pachtounes, il y avait les Afghans très nationalistes, il y avait des Égyptiens, des Maghrébins d'un peu partout. Et on donnait le tapis rouge aux musulmans de tout continent. On leur ouvrait la porte pour qu'ils aillent combattre. Pourquoi? Parce que ça arrangeait les Américains. Bien sûr, parce que Monsieur Russie, Monsieur ex-URSS, c'était leur pire ennemi. Et donc voilà. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des musulmans qui sont partis combattre. Il y avait certains Afghans que eux ne voyaient pas vraiment une cause religieuse, ne voyaient pas un but religieux là-dedans. Ils voulaient seulement se débarrasser des Russes et basta. D'autres parmi ces Afghans-là voyaient plus haut. Ils voyaient tout simplement un djihad islamique. Comme certains Arabes qui sont venus, comme certains Yéménites, comme certains Égyptiens, comme certains Saoudiens, certains musulmans d'un peu partout. Voyez cela comme étant un djihad, c'est-à-dire que il est rapporté dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'un homme est venu voir le prophète en lui disant: quelle est la première ambition pour pratiquer le djihad al-qital, c'est-à-dire le djihad par les armes? Il y a le djihad nafs, djihad al-shaytan, djihad al-nifaq, djihad par les armes. Il a dit: la première ambition, c'est d'élever la parole d'Allah, c'est-à-dire la sharia d'Allah, c'est-à-dire sa loi. Donc, automatiquement, on ne peut pas faire un djihad si une fois qu'on a gagné, on instaure une démocratie ou un état communiste ou autre. Non, le but du djihad, bien sûr qu'il soit défensif ou offensif, et dans ce cas-là, il était défensif, est tout simplement de combattre les ennemis et ensuite d'élever la parole d'Allah, c'est-à-dire remercier Allah en appliquant ses lois divines sur terre. Voilà. Et il suffit de voir les livres de fiqh de grands juristes comme Ibn Qadama al-Maqdisi, comme Ibn al-Qayyim et d'autres. Qu'il explique clairement. Maintenant, concernant les talibans, certains qui étaient arabes, certains qui étaient pachtounes, certains, c'est un peu mitigé, c'est un cocktail. Eux, une fois qu'ils ont gagné la guerre contre les Russes, ils voulaient mettre un État islamique, ce qui est tout à fait logique, théologiquement parlant, religieusement parlant, islamiquement parlant, c'est logique. On avait l'Alliance du Nord d'un côté, avec d'autres communistes, nationalistes et d'autres, qui étaient opposés à cela. Donc on revient en arrière. Durant la guerre contre l'ex-URSS, d'accord, les Américains ont financé quelques milices. Même l'armée de Massoud n'a pas dit non. D'accord. Mais il y a une différence entre aider militairement, c'est-à-dire donner des armes financières, etc., des milices, D'accord? Et les créer. Parce qu'il y a une certaine atmosphère dans les pro-conspirationnistes, là, surtout de l'extrême gauche, qui disent comme quoi les talibans ont été créés par les Américains. C'est faux. Aussi bien les talibans que les Égyptiens qui sont venus, que les Saoudiens, que l'armée de Massoud, eux tous, ils n'ont pas craché sur la soupe. C'est-à-dire quand les Américains leur donnaient des armes, ils n'allaient pas dire non. Il est où le mal? Islamiquement parlant, citez-moi un seul verset ou une seule parole du prophète qui interdit le fait de se défendre contre un mécréant alors qu'on est aidé militairement, c'est-à-dire qu'on nous donne des armes et que celui qui nous donne des armes est un autre mécréant. C'est-à-dire un mécréant qui nous aide à combattre d'autres mécréants. Quel verset l'interdit? Le verset qui interdit cela est des musulmans qui s'allient avec des mécréants contre d'autres musulmans. Là, ce n'était pas le cas. Donc maintenant, il y a une différence entre le fait qu'ils ont été aidés militairement et le fait d'être créés. Ils n'ont pas été créés. C'est faux. Tout ça c'est voulu. Ça c'est voulu par les impérialistes. C'est pour toucher la populace, pour leur dire, voilà, comme quoi ces gens-là... Pas par les impérialistes, plutôt par l'extrême gauche et les pro-conspirationnistes qui essaient de nous faire croire que les talibans ont été créés par les Américains. C'est totalement faux. C'est des musulmans très pieux, très pratiquants, qui avaient qu'une envie, c'était de trouver le martyr et de combattre fisabilillah. C'est des gens qui étaient loin de tout ce qui est stratégie géopolitique, ils s'en foutaient, ils s'en fichaient. Tout ce qu'ils voulaient, c'était combattre fisabilillah, car ils aiment la mort autant que les non-musulmans aiment la vie. C'est aussi simple que ça. Maintenant, la chose étant, quand la guerre, quand la victoire fut venue, l'alliance de Massoud, l'alliance du Nord, l'armée de Massoud ne voulait pas d'un État islamique. Ne voulait pas d'un État islamique, c'est-à-dire que comme Massoud appartenait à une tariqa soufie qui consiste à séparer le spirituel du temporel et qui voulait une pseudo-démocratie, un multipartisme, bien sûr, ils étaient en embrouille avec les... J'aime pas trop les appeler les talibans, on va dire les musulmans, tout simplement, parce que c'est logique, un musulman, par essence, il veut un État islamique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Massoud, que beaucoup de personnes aiment alors qu'ils ne connaissent même pas, avait des litres et des litres de sang musulman dans les mains. Les hommes de Massoud violaient les femmes des talibans, violaient les femmes des musulmans qui voulaient mettre un État islamique. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il y a eu des guerres entre tribus, d'accord? Tribales, d'accord? C'est là que les frères, les taliban qui vient du mot talib qui veut dire étudiant, les étudiants en sciences islamiques, sont partis voir des chiours, des savants, des érudits pour leur dire, voilà, tel communiste afghan, tel pseudo-socialiste, etc., tel de l'armée de Massoud et tout, viole nos femmes, etc., qu'est-ce qu'on fait? Les chiours, les érudits leur a dit, appliquez-leur la loi d'Allah, c'est-à-dire tout simplement attraper ceux qui ont fait cela et tuez-les, exécutez-les. Parce que dans la charia d'Allah, dans la loi divine, dans la théocratie, celui qui viole doit être tué, la peine de mort. Donc c'est ce qui s'est passé. Et Khalid Yassin, un prêcheur américain qui a une très bonne croyance et une très bonne vision de l'islam, l'explique mieux que moi. En l'espace de 2 ans, ils ont conquis plus de 80% de l'Afghanistan. Et à dos d'âne, à pied, dans le froid, dans la chaleur, tout ce que vous voulez, ils ont réussi, sans support technologique, à maîtriser 80% de l'Afghanistan et faire descendre le taux d'opium. Contrairement à ce que M6, TF1, France 2 essaient de nous faire croire comme quoi ce sont les talibans qui cultivaient l'opium. C'est totalement faux. Déjà dans la charte talibane, dans la charte islamique des talibans, celui qui vend la drogue doit avoir une peine capitale. C'est aussi simple que ça. Enfin bref, c'est plutôt l'Alliance du Nord qui la cultivait, c'est plutôt l'Alliance du Nord qui passait leur temps à fumer de gros patchs avec leurs amis américains pour tuer leurs frères talibans, enfin leurs frères, leurs ennemis musulmans qui sont les talibans. Enfin bref, ensuite, il y a eu ce qu'on appelle une orchestration médiatique autour des talibans, c'est-à-dire les dégoûter. Comment on fait? Un exemple tout simple. Monsieur A est amoureux d'une fille, et cette même fille est amoureuse de Monsieur B, d'accord? Monsieur A, il est jaloux. D'accord, il en a marre, il a la dalle, il a la rage, il a la haine. Ok, qu'est-ce qu'il fait? Comme un gros hypocrite, il prend Monsieur B comme ça, allez, viens mon pote, on va passer une journée ensemble, et il le filme. Du matin jusqu'au soir, il le filme. Une fois qu'il rentre chez lui, il décortique la vidéo et il retire tous les bons passages. Hein? Le moment où son pote Monsieur B a donné de l'argent à une vieille dame, où il a aidé une vieille dame à traverser, où il a embrassé sa mère sur le front, etc. Et puis il a gardé une ou deux images dans lesquelles, voilà, il s'est embrouillé avec une personne et il a insulté quelqu'un. D'accord? Donc il donne ça à la dame, il dit, regarde le mec dont tu es amoureuse, ben regarde comment il est Monsieur B, regarde-le, regarde la vidéo. Ben, c'est exactement ce qu'ils ont fait avec les talibans. On nous a bavé, on nous a gavé des années et des années, des mois et des mois, toujours nous mettre la même image. Tu vois un taliban qui fouette une femme. Boum, voilà, les talibans sont comme ça. Voilà, tu vois un taliban parmi des millions, un seul qui fouette une femme, c'est toujours la même image. Et je vous mets au défi, vous tous, de me trouver une autre image que celle-ci. C'est toujours la même, où tu vois un taliban de dos qui fouette une femme. Qu'il a fouetté, et encore on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais bon, islamiquement parlant, fouetter comme ça une femme en pleine rue, je pense pas que c'est légal. Mais bon, c'est pas parce que un taliban, un seul, a pété un plomb que directement ils sont tous comme ça. C'est comme si on va dire que tous les Belges sont des marques du trou. C'est n'importe quoi. C'est un amalgame de cons. Les gens, les pseudo-humanistes qui passent leur temps à mettre en garde contre l'amalgame, eh ben, ils tombent dedans. C'est faux. Et la preuve de cela est simple. Yvonne Ridley. Yvonne Ridley est une journaliste anglaise qui a été la prisonnière des talibans. D'accord. Donc logiquement, si elle était prisonnière des talibans, sociologiquement parlant, dans sa tête, voilà quoi, il y aurait une petite rancœur contre eux. Quand elle a été relâchée, elle s'est convertie à l'islam. Yvonne Ridley, tapez son nom sur Google, Yvonne Ridley. Elle a même écrit une autobiographie, un livre dans lequel elle dit que c'est par rapport au comportement des talibans, par rapport au comportement des talibans qu'elle s'est convertie à l'islam. Quand elle a vu à quel point ils étaient, hein, ils veillaient à mon hygiène, ils veillaient à ma nourriture, ils ne m'ont pas contraint à l'islam. Et surtout, c'est le fait que c'était qui, elle se posait la question, c'était qui ce Allah, c'était qui ce Dieu pour lequel il n'avait pas peur de mourir, pour lequel il sacrifiait tout, famille, confort, luxe, pour prendre les armes et combattre. C'était qui ce Dieu? C'était justement le côté fier des talibans, la fierté que beaucoup de musulmans de maintenant ont perdu, la fierté des talibans, la fierté d'être musulman. Et c'est ça qui l'a séduit. Et vous pouvez même vous procurer son livre, son autobiographie de Yvonne Ridley, dans lequel elle l'expose. Maintenant, pour revenir à l'orchestration médiatique. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, les talibans, on les met sous un décor vétuste, d'accord? Les immeubles cassés, le sable un peu partout, voilà. On met une ou deux images, le type qui fouette, voilà. Boum! Directement, automatiquement, dans le cerveau des gens, ça va induire quoi? Ça va induire que les talibans, c'est des sauvages, c'est sale chez eux, il n'y a pas de situation économique. Mais mon pote, l'après-guerre, hein, une fois que les nazis ont été balayés, comment était le décor? Le décor des Français, le décor de Belgique, comment c'était? Ils viennent de sortir de décennies d'années de guerre contre les Russes et avant cela contre les Britanniques. Excuse-moi, mais c'est pas directement que tu vas avoir des immeubles poussés ou bien un décor qu'on va appeler un décor agréable, hein, à voir. Non, c'est normal. Donc ça a joué. C'est-à-dire qu'on expose les talibans, on met un décor vétuste derrière eux, etc. Voilà, c'est sale. On remet toujours la même image. Frac, frac, frac. Un seul taliban qui fouette une seule femme parmi des milliers d'autres qui ne l'ont pas fait. Et automatiquement, on va tomber dans le piège. Alors que Massoud, lui, c'est le contraire. Massoud, on le met avec les fossettes. Massoud, le grand guerrier, tu vois, des qualificatifs, le Che Guevara afghan, hein, les fossettes, le beau gosse, beau sourire, la musique douce derrière, il a combattu, c'était un musulman, patati patata. Et surtout pour toucher la population musulmane qui est ignorante et qui ne connaît pas la géopolitique et l'islam, ils vont mettre des images dans lesquelles Massoud priait avec le coucher du soleil, comme ça, comme décor, c'est beau, Massoud le grand. Non! Massoud était un grand criminel. Massoud avait des litres et des litres de sang musulman dans les mains. Massoud a combattu les talibans parce que les talibans voulaient une théocratie. Lui, il s'en foutait. Il voulait une pseudo-démocratie, un multipartisme. Massoud est parti lécher les bottes de Chirac et demander de l'aide aux Occidentaux pour tuer les talibans qui étaient musulmans. Il faisait partie d'une tariqa soufie. Et le soufisme, c'est la secte hérétique qui vient de l'islam que se servent les Américains, les impérialistes, pour lobotomiser tous les musulmans, dont Hicham Kabbani, qui fait partie de la secte Naqshbandiya. Donc, il avait des litres de sang musulman dans les mains. C'était un ennemi de l'islam. Massoud était un ennemi de l'islam. Et moi, ce qui me tue quand tu vois des rappeurs comme Medine ou des gens qui disent Massoud le héros, non, ils n'ont strictement rien compris. C'est des bourricots. Massoud avait des litres de sang musulman dans les mains. Les talibans, eux, talibans, eux, qu'est-ce qu'ils voulaient? Un État islamique. Ce sont nos frères. Un musulman ne doit pas être contre les talibans. D'accord? Et quand, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, avec l'orchestration médiatique, quand j'ai dit Monsieur A et Monsieur B, Monsieur A est jaloux de Monsieur B, donc il le filme. C'est exactement ce qu'on a fait avec les talibans. On ne montre qu'une seule scène, d'accord? Un taliban qui fouette une femme. Et le moment où le taliban, tout simplement, se promène avec sa femme, prend son enfant dans les bras, donne de l'aumône à une mendiante ou à un mendiant, sourit tout simplement, hein? Ou bien on n'expose pas médiatiquement l'histoire de Yvonne Ridley, au contraire, on la virait de sa chaîne, cette journaliste, parce qu'elle a dit la vérité sur les talibans. Si on voit un report, si on voit l'émission télévisée de Tadei sur France 3, dans lequel le sujet était basé sur les talibans, tu voyais deux Occidentaux en train de défendre les talibans. Parce que ces gens-là, ce n'est pas des cons. Ces gens-là sont partis en Afghanistan, ils ont fait des recherches. Donc, automatiquement, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça veut toucher la populace musulmane, dite ignorante, le fan de Booba, la fan de Amel Bent, qui fait juste sa salade, qui ne se casse pas trop la tête. Et on veut les dégoûter des talibans. Regarde, les talibans, c'est pas bien. Extrémistes, mauvais. Massoud, c'est un bon. C'est ce qu'ils veulent. C'est exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent que vous détestiez les talibans, alors que les talibans, ce sont des frères. On ne leur arrive même pas à la cheville. Ce sont des frères qui ont une piété immense. Ce sont des frères qui aiment la mort autant que nous, on aime la vie. Ce sont des gens qui ont combattu pour instaurer un État islamique. Où est le mal? Où est le mal de vouloir mettre un État islamique? Ils n'ont pas été créés par les Américains. Arrêtez d'être bêtes, arrêtez d'être incultes. Le fait d'avoir été armé comme Massoud a été armé, comme son armée a été armée par les Américains, ça ne veut pas dire être créé par les Américains. Ces gens-là, tout simplement, voulaient un État islamique. Ce sont nos frères, ceux qui les critiquent. Ceux qui passent leur temps à les insulter, extrémistes, etc. La meuf, tu la vois en boîte de nuit en train de, excusez-moi du terme, se faire troncher par Rachid ou Constantin, et elle ose encore les critiquer. Ou bien le type, il est là, il fait rien de sa vie, et il ose les critiquer. Ces gens-là, on leur arrive pas à la cheville. Ces gens-là, c'est des musulmans fiers, valeureux. C'est des musulmans qui combattent pour la loi d'Allah. C'est des musulmans qui ont compris que quand tu fais un djihad, c'est pas pour mettre ensuite un état démocratique ou communiste ou une autre loi forgée par les hommes, par des hommes qui se lavent même pas derrière. Ces gens-là, ils ont compris qu'il faut aller combattre pour instaurer la loi d'Allah, la loi islamique, la loi musulmane. Et je vous invite à voir la vidéo de Khalid Yassine. Khalid Yassine, Khalid Yassine, dans lequel il parle des talibans. Même dans l'émission TV de Tadei, Ce soir ou jamais, tapez taliban Tadei, vous allez voir l'intervention de deux Occidentaux qui les défendent. C'est totalement faux. Les talibans sont des frères qui ont appliqué la charia d'Allah. Et où est le problème? Où est le problème? Ils ont appliqué la loi d'Allah. Où est le problème? Tu es contre la loi d'Allah? Tu es contre la théocratie? Tu n'es pas musulman. Je te le dis clairement, la personne qui est contre la charia d'Allah et qui s'oppose à ceux qui veulent la mettre, ils ne sont pas musulmans. Allah, dans le Coran, dans plusieurs versets, il parle de l'obligation d'appliquer la charia. Il y a un verset dans lequel il dit, quand vous appliquez les peines, ramenez les gens pour voir cette peine, ramenez les gens pour la voir, pour qu'ils ne recommencent pas eux, pour qu'ils ne la font pas. Allah, il a été clair. Il y a de grands livres qui ont été écrits par certains savants qui expliquent l'obligation de la charia, par le docteur, par le cheikh Abdurrahman Abdulkharik, dans lequel il explique l'obligation de mettre en application la charia d'Allah. C'est un très beau livre, mais bien sûr, c'est pas donné à tout le monde de le lire, parce que les gens n'aiment pas lire. Voilà, les gens, ils préfèrent voir des vidéos faites par l'extrême gauche ou par des bobos de la conspiration, etc. Non, il faut à un moment donné comprendre les choses, comprendre les choses. D'abord, le plus important, bien sûr, c'est de comprendre son tawhid, qui est la base de l'islam. Beaucoup de personnes se disent, moi, je suis musulman, mais quand tu lui demandes, c'est quoi le premier pilier du tawhid, le premier pilier de la shahada, tel l'a expliqué le prophète, tel l'a expliqué les sahaba, tel l'ont expliqué les quatre madahib, tel l'ont expliqué les grands savants de anciennement jusque maintenant, ils ne pourront pas te répondre. Alors que le yakfur bit-tarut, le fait de jeter le kufr sur le tarut, qui vient du mot tauriyen, qui veut dire le dépassement des limites, c'est-à-dire rejeter tous ceux qui indirectement ou directement essaie de concurrencer Allah, que ça soit dans le jugement, dans la gouvernance, que ça soit dans le rape, ça veut dire dans la connaissance de l'invisible comme les sorciers, que ça soit Iblis, que ça soit celui qui se fait adorer tout en étant satisfait, et ainsi de suite. Il faut comprendre, une fois qu'on a acquis les bases, on commence à lire des livres qui sont propres à la géopolitique et en même temps en coordonnance avec le Coran et la Sunna. C'est pour ça que je vous recommande le livre de Cheikh Abdurrahman Abdul Kharak qui s'appelle l'obligation de mettre en application la charia, ou bien la religion, démocratie du Cheikh Abou Mohamed Al-Maqdisi. Il faut lire, il faut arrêter. Et ces livres-là, vous n'allez pas les trouver dans les bibliothèques dites officielles musulmanes. Il faut les trouver, il faut les chercher sur le net et ainsi de suite. Donc voilà. I have a dream.